Bonjour Jeanne Hénin. Bonjour Julien Vidal. Écoute, je suis trop content de te recevoir aujourd'hui. C'est à la fois un échange qu'on a dans le cadre du podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je diffuse de temps en temps ces échanges qui sont des échanges hyper précieux qu'on a avec notre communauté de guides en 2030 Glorieuse. Ce sont les animatrices et animateurs du voyage en 2030 Glorieuse, qui est notre atelier de reprise en main du pouvoir des imaginaires, et on aime les nourrir, les choyer, faire en sorte qu'ils rencontrent des gens inspirants, ces voyageurs en 2030 Glorieuse, parce que l'expérience de reprise en main des imaginaires, elle est souvent, en fait même tout le temps, joyeuse, et à la fois elle mérite d'être faite avec talent, avec joie, avec bonhomie, mais aussi avec presque un peu de fougue, un peu d'humour, et tout ça, c'est exactement ce que j'ai retrouvé dans ton livre, puisque tu viens de sortir le livre « Les mots qu'il nous faut ». C'est un dictionnaire lumilutant. Alors rien que ça, déjà, il y a 45 minutes qu'on peut tenir ensemble facilement. Tu viens de publier, Jeanne, ce livre aux éditions de la Mer Salée, qui est forcément une maison d'édition que je chéris. On a reçu Louise de la Reverdy dans cet échange aussi, il n'y a pas longtemps. On a déjà, dans le cadre du podcast, échangé avec Sandrine et Yannick. Donc, on est vraiment à la maison ce soir. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on ait ce petit temps d'échange, Jeanne, ensemble, pendant une quarantaine de minutes. Viendra ensuite des questions avec Samia qui vient de partir, Sébastien qui est avec nous, et je suis vraiment très contente d'avoir Sébastien. Et on se fait, en gros, comme je te le dis, une heure d'échange. Jeanne, je te pose la première question que je pose à tout le monde, que ce soit dans le podcast ou pas maintenant. Si jamais toi, tu dois répondre à la question « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?», qu'est-ce que tu réponds maintenant? Tu as une réponse type? Tu pars en courant? Tu fais quoi? Je pars en courant, je regarde mes chaussures et je travaille sur trois sujets. La connexion à la nature, comment se reconnecter au vivant comme une façon d'incarner la transition. Le deuxième sujet, ce serait des pratiques de transformation profonde, une fois que tu sais quelle posture tu prends, sur quoi tu travailles, donc avec de la systémie, du travail qui relie, des pratiques de ce style. Et la dernière, c'est la pratique artistique. Et cette pratique artistique, elle, donc, du coup, t'as fait accoucher, si je peux le dire comme ça, de ce livre que je suis en train de montrer à la caméra, puisqu'on est en train d'échanger par visio. Donc, ce livre qui est, en plus, sur le fond et la forme, magnifique. Hein. Franchement, j'adore le format carré, j'adore le papier recyclé. Je trouve vraiment qu'il est hyper beau. Tout de suite, il attire le regard. Et tu peux nous raconter, s'il te plaît, alors déjà, le pourquoi. Je trouve que c'est vraiment hyper important de comprendre pourquoi on avait besoin d'un dictionnaire lumilutant, et le comment, qui est sans doute au moins aussi important, parce qu'il y a toute une méthodologie derrière qui est intéressante à décortiquer, parce que peut-être ça veut dire qu'on peut nous s'en saisir, cette méthodologie. Mais on peut commencer par le pourquoi, s'il te plaît. On a besoin d'un nouveau dictionnaire, comme si on n'avait pas suffisamment de mots dans notre monde, alors qu'en plus, je crois que nous, les Français, chaque année qui passe, on utilise de moins en moins de mots, si je ne dis pas de bêtises. Le pourquoi, alors c'est venu d'une recherche que je mène. Donc ça fait 15 ans que je travaille sur les sujets de transition écologique et de lutte contre les inégalités. Et au bout d'un moment, je ne pouvais plus lire de rapports, je ne pouvais plus entendre de conférences, je ne pouvais plus aborder tout ce contenu-là. J'avais besoin d'explorer qu'est-ce que c'est qu'une incarnation de ces sujets. J'avais besoin d'explorer comment on vit la crise écologique et la crise sociale dans nos quotidiens, dans nos corps, dans les liens aux autres, dans notre travail. Et j'avais besoin d'entendre d'autres voix. J'avais l'impression d'entendre toujours les mêmes voix, les mêmes sujets et la même approche, c'est-à-dire avec une approche très scientifique, données, plan d'action, résultats, politique publique, politique d'entreprise, lutte d'association. Et il me fallait quelque chose de vivant, d'incarné. Donc, je cherchais ça. Et j'ai rencontré Alicia Escott et Heidi Quante, deux artistes américaines, qui ont créé cette œuvre qui s'appelle « The Bureau of Linguistical Reality », le bureau de la réalité linguistique. Elles ont créé ça en 2014, et dans cette œuvre, elles incarnent une fausse administration, un bureau officiel, qui aurait pour rôle d'enregistrer des nouveaux mots pour le futur. Et dans ce bureau, elles s'installent à différents endroits et elles proposent à leur entourage, aux passants, de raconter qu'est-ce qu'ils vivent comme expérience et émotion de la crise écologique. Et avec eux, elles inventent des nouveaux mots. Donc, j'ai rencontré cette forme et ça m'a passionnée. Et ensuite, j'ai pris ce format-là en lien avec les deux artistes. Donc, c'est vraiment une œuvre. Donc, il y a tout un travail aussi sur comment on reprend une œuvre, comment on l'honore, comment on travaille à plusieurs artistes. Ça, c'était tout un sujet. Et ensuite, j'ai décidé avec Ticia Naton, mon acolyte, de développer le Bureau des mots en France. Et on a, ces deux dernières années, promené ce bureau dans des festivals, dans différents quartiers de la ville, avec des chercheurs, auprès d'étudiants, des étudiants français, mais des étudiants africains que j'avais rencontrés par ailleurs. Donc, on voulait capter une variété de perceptions. Donc, le pourquoi, c'était pour aller chercher qu'est-ce qu'on vit vraiment sur ces sujets-là. Aller chercher une matière différente que celle qu'on entend, qui soit le reflet de notre vie sur ces sujets, en fait. On est tous extrêmement impactés avec des dissonances, des tiraillements, des changements de mode de vie, des difficultés dans le lien, dans la conversation, parce qu'en fait, ça bouscule tout. Ouais, je partage absolument ce que tu es en train de nous dire, Jeanne. Moi aussi, j'étais un peu frustré de voir qu'on donnait toujours un peu la parole au même type de personnes. Tu disais des scientifiques qui arrivent avec, en général, des discours qui sont quand même assez froids, hein, supposée neutralité, une complexité aussi dans le vocabulaire utilisé qui crée un peu de la distance, je trouve, avec les sujets abordés, même si de plus en plus on voit hein, maintenant des scientifiques qui décident d'incarner, qui décident de personnifier un tout petit peu plus, de laisser aussi hein, peut-être affleurer leurs émotions, mais c'est quand même tout nouveau, ou des personnes dites inspirantes, je ne sais pas exactement comment on pourrait les qualifier autrement, mais qui elles ont vraiment tout polissé parfaitement, tu as l'impression qu'elles vivent dans un TEDx permanent, tout est absolument nickel, et à la fin tu termines en disant, bah ouais mais en fait c'est bon pour ces gens-là, mais moi ça ne me parle pas parce que je me sens trop normal. Et donc, avec le podcast 2030 Glorieuse, à chaque fois, j'allais vers des gens que je trouvais, moi, un peu plus normal, un peu plus à mon image, pour voir jusqu'à quel point elles arrivaient à jouer avec ces mots, à proposer quelque chose de différent, raconter leur quotidien. Et je me rendais compte que ce n'était pas assez, qu'il y avait vraiment besoin d'ouvrir. Et donc, avec l'atelier de 2030 Glorieuse, on va chercher voilà, les ressentis, les projections, les rêves. Et c'est génial parce qu'il y a vraiment plein de pépites qui ressortent. Mais on n'a pas des mots, nous. On a des concepts, tu vois, des gens qui nous disent qu'elles vont faire de l'humanitaire dans les pays, dans les anciens pays riches, tu vois, des gens qui vont faire des missions humanitaires, je sais pas, au Luxembourg, en Suisse ou à Monaco. D'autres qui disent qu'avant, en France, on avait la diagonale du kiff, on avait la diagonale du vide et que c'est devenu la diagonale du kiff. Plein de petits concepts comme ça qui sont marrants. Mais c'est pas quand même des mots, et je trouve que la puissance des mots, tout de suite, là, quand on entend, et dans ton dictionnaire, il y en a qui tout de suite attirent l'oreille. Tu dis l'humilité, il y a inode, il y a anérité, il y a privilège, il y a cosmi basket, il y a s'occidenter, moi j'en ai retenu plein. C'est un pas au-dessus quand même. Je trouve que ça dit quelque chose de notre puissance à toutes et à tous. Est-ce que tu vas dans mon sens et quelle découverte toi t'as faite? Quelle découverte tu as faite avec ces exercices-là en allant au plus près des gens? Qu'est-ce que ça t'a appris? Ça m'a appris énormément de choses. La première chose, c'est quelque chose que je t'ai pas partagé tout à l'heure sur le langage. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a une... Si on continue d'utiliser le langage qui nous est proposé, qui... est très très vite récupéré, transformé, on continue à nourrir la même histoire. Donc j'avais aussi ce besoin d'aller chercher des outils pour commencer à alimenter les nouvelles histoires qu'on veut se raconter avec de la matière réelle et qui émane du vécu. Donc ça c'était une première chose. Une autre chose que j'ai appris c'est la joie et la puissance d'agir. En fait, souvent aujourd'hui, on me demande « Est-ce qu'il y a des mots positifs dans votre ouvrage ? On aimerait bien des mots positifs, joyeux. » Donc moi, je réponds « Oui, il y a des mots positifs, mais il y a surtout c'est l'expérience de lire ces mots et de vivre ces mots et de faire l'exercice de partager qu'est-ce que je vis, qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui tiraille. » En fait, le fait de partager ça et de tisser un nouveau mot, de créer quelque chose, Ça libère une puissance d'agir dont j'ai l'impression qu'elle dépasse le cadre de la performance. C'est-à-dire que quand les participants sortent d'un bureau démo, ils sont galvanisés, le mot les habite, un peu comme les histoires que vous créez dans l'expérience des 2030 glorieuses peuvent continuer à habiter les participants après. Donc le mot les habite, ils m'écrivent 6 mois après en me disant « non mais j'ai réfléchi, maintenant je l'utilise comme ça ». Donc c'est vraiment un outil, un objet qui libère la puissance d'agir et qui permet de faire aussi contrepoids. Le contrepoids, on entend résilience, régénération à énormément de sauces, on ne sait plus qu'est-ce que ça veut dire en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et transition. Transition, énorme. Et selon qui le dit, on est là, bon, est-ce que c'est vraiment résilience, est-ce que c'est transition? Donc en fait, quand on va créer des mots qui correspondent aux réalités qu'on vit, c'est une façon de dire, bon, ça, les amis, c'est ça qui est vécu en réalité. Donc c'est aussi pour moi un outil d'action. Par exemple, il y a un mot qui s'appelle externité. Externité, c'est comme une réponse à extinction de la biodiversité. Extinction de la biodiversité, moi j'entends un feu qui s'éteint dans l'âtre passivement, voilà, ou disparition, perte de la biodiversité. Moi j'ai perdu mon tournevis en bricolant tout à l'heure, je suis passif. Mais en réalité, non. En réalité, c'est une extermination de la biodiversité perpétrée par les humains, qui va durer pour l'éternité pour certaines espèces qu'on ne peut pas faire renaître. Donc extermination, éternité, externité. Et donc, une des choses que j'ai appris, c'est aussi que, à force de vivre cette performance, de voir les gens se reprendre cette puissance d'agir en main, utiliser et jouer avec les mots, j'ai l'impression que ça, il y a peut-être une étape d'après qui pourrait être de dire, quand j'entends des mots qui m'insupportent, je lève la main, j'interromps la conversation et je dis, excusez-moi, on n'est pas dans une extinction de la biodiversité, on est dans une externité. Et ça, je trouve que c'est quelque chose aussi qui peut nourrir l'action, qui me plaît beaucoup comme ingrédient à rajouter dans ce qu'on appelle le combat des récits ou les nouveaux imaginaires. Tu vois, voilà, c'est comme tu as un carquois avec des flèches et tu les tires. D'ailleurs, on a perdu, je trouve, 10, 20, 30 ans avec cette idée de croissance et de décroissance. Parce qu'on joue sur le même registre, bah forcément, on s'inscrit par défaut. En moins vis-à-vis de la puissance de la croissance, en proposant l'imaginaire, son pendant négatif, la décroissance. Et j'ai l'impression que parce qu'on a essayé de jouer sur le même territoire, sur la même scène, dans la même arène de combat, qu'on a perdu beaucoup de temps et que, quoi qu'il arrive, on arrivait en tant que petit pousset. J'ai l'impression que toi, avec le fait de proposer de nouveaux mots, en fait, on crée aussi de nouveaux territoires, de nouveaux espaces qu'on peut complètement habiter différemment et ça nous oblige presque à décider d'être différent, à décider de qui on veut être plutôt que d'agir par rapport à un monolithe qu'on a envie de combattre. Oui, pour moi, il y a quelque chose du pouvoir des histoires vécues, en fait. Comme tous les mots sont issus d'histoires individuelles vécues, il y a quelque chose de très fort de se dire, en fait, c'est une personne qui a vécu ça. On ne peut pas dire c'est faux, ce n'est pas une théorie en fait, ce n'est pas décroissance ou décroissance, la théorie économique, le PIB, par quoi on va le remplacer. Il n'y a pas de discussion possible, on ne peut pas négocier et théoriser là-dessus. C'est telle personne a vécu ça, ça existe. Et c'est amplifié par le fait que des personnes le lisent et disent « mais moi aussi j'ai vécu ça ». Donc le mot est encore plus puissant et donc ça, comme tu dis, ça crée un nouveau territoire, non seulement pour la personne qui l'a créé, mais pour tous ceux qui lisent, qui peuvent se l'approprier et se dire, en fait, moi aussi, c'est ça que je vis. Et donc, répondre, toujours, tu vois, avec cette idée d'outil pour l'action, répondre, dire, oui, non, mais moi, je vis ça, d'autres gens vivent ça. Est-ce que nous sommes des éco-terroristes? Peut-être que nous sommes plutôt des sauveteurs. C'est quoi un sauveteur? Un sauveteur, ce sont des personnes qui viennent de mondes très différents et qui se retrouvent ensemble pour protéger la biodiversité et qui choisissent de peut-être prendre des risques pour protéger ce qu'ils aiment. Et ce que tu dis, ça va dans le sens aussi, j'ai l'impression, de notre nécessité de ralentir, de prendre du temps, de créer de la nuance, de la complexité. J'ai l'impression, et en tout cas quand les 2000 30 glorieuses, on y joue, on les découvre, on y voyage, qu'à la fin, on se rend toujours compte que ça va être beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. Et moi, j'aime bien dire, bah, ça tombe bien, si pour vous, c'était vraiment un joyeux bordel, tant mieux, parce qu'on va passer d'une monoculture à un joyeux bordel. En tout cas, c'est mon rêve. Et donc, bah, ce bordel, il faut l'entretenir de mots, il faut ralentir, il faut apporter de la nuance et de la complexité, comme je disais, là où... Ben, dans nos outils et à disposition, notamment avec le langage actuellement en 2024, on a malheureusement subi malgré nous tout le langage Startup Nation. Tu vois, moi j'ai de la chance, j'ai pas fait école de commerce, donc je parle pas à moitié du temps dans ce que je dis en anglais ou j'essaie pas de faire le plus court possible. Ça m'intéresse pas. Et j'ai l'impression que d'une certaine manière, tu joues aussi contre ça en disant ben le langage il est important et il est pas là pour nous faire tout le temps forcément gagner du temps. Il est là aussi pour peut-être prendre le temps d'accepter la différence, l'enrichissement personnel et de voir la force du collectif à travers ces nouveaux mots. Est-ce que je m'approprie ça et je le lie par rapport à ma propre histoire ou pas? Et ça, tu vois, un mot là, tout à l'heure, tu me parlais de dire la complexité de nos sentiments, notamment, tu vois, de la puissance des choses, mais aussi bah, de ce qu'elles vont révéler de potentiellement pénible. Et ben, ça m'a tout de suite fait penser à l'amourtume. C'est un nom masculin qui est issu de amour et d'amertume. C'est le geste d'ouvrir le cœur avec courage, prêt à être touché, malgré la tristesse possible. Et là, la phrase, c'est « En amourtume, l'amour, la joie, la tristesse et le deuil peuvent cohabiter. Et c'est ce cœur ouvert et vulnérable qui signale un espace possible. » On a besoin d'amourtume en 2030. Oui, on a besoin d'amourtume et c'est quand même des sentiments très différents qu'on vit face à la crise écologique et sociale. Il y a des moments où il y a cette motivation, il y a des moments où on se dit c'est terrible, il y a des moments où on se dit mais qu'est-ce que je peux faire, ça va être quoi ma part, c'est quoi ma juste part, dans quel créneau je dois agir. Donc il y a tout ça et en fait on parle d'un côté d'éco-anxiété, voilà, c'est une maladie. Pour moi c'est pas une maladie, c'est sûrement une manifestation. Enfin, dans les cas légers, c'est sûrement une manifestation d'un inconfort par rapport à quelque chose où nous, en tant que morceau du système général, morceau de Gaïa, on ressent ce qui se passe et évidemment, on est concerné. Donc, il y a ce mix de sentiments qui est tellement sain et tellement nécessaire. Donc, c'était un petit peu ça, l'amourtume. Et pour revenir au début de ta question sur la simplification et aller droit au but et prendre le temps, en réalité, tout dans la forme du bureau des mots va à l'inverse des logiques qu'on subit dans le système dominant. C'est-à-dire que l'événement même, c'est une performance, les personnes s'arrêtent au bureau, partagent ce qu'elles ressentent, ce qu'elles ont vécu, et nous, on n'a pas d'objectif, on les écoute. Et si elles n'ont pas envie de tisser un mot, on ne tisse pas de mots. Mais on ouvre cet espace d'écoute et rien que le fait que cet espace existe, où les gens peuvent partager ça, c'est déjà une violence en moins dans le monde, puisqu'il y a des choses qui sont partagées là, qui sont nourries, qui sont entendues, qui sont partagées. C'est une façon aussi de construire le lien. La personne en face de moi, de l'autre côté du bureau, est extrêmement différente. Je ne veux pas la convaincre. Je ne veux pas la gagner à ma cause. Je ne veux pas faire un impact sur elle. Je veux juste être là, l'entendre et éventuellement être à disposition pour accoucher de ce qu'elle veut créer. Donc déjà, la posture est radicalement différente de ce qu'on peut vivre dans d'autres modes d'action. Et ensuite, pareil, cette forme, elle n'a pas une vocation d'impact, de convaincre le maximum de personnes. C'est vraiment, on prend énormément de temps après chaque bureau pour recevoir les modifications de la personne qui a créé son mot, être sûr qu'elle est bien d'accord, lui laisser une possibilité de changer, voilà. Et on a levé zéro fond, on va là où quelques mécènes nous aident à aller, et dans des endroits où aucun mécène ne veut nous envoyer, on y va avec nos petits bras, parce qu'on pense que c'est important d'écouter ce qui se passe là. Donc en fait, on est à l'inverse à la fois du cycle du temps auquel on est soumis, dans un autre système, à la fois à l'inverse de l'objectif d'impact et de mesure de à quoi va servir ce qu'on fait, et aussi on est dans la construction de cette espèce de lien, parce que dans le bureau, il se passe un lien entre la personne qui reçoit et celle qui partage, et après, à la lecture, il y a énormément de compassion qui est développée ou de tendresse parce qu'on lit un mot, on se dit, ah oui, bah oui, ça, j'aime pas ce mot-là, mais bon, mon oncle, il est comme ça, privilège, bah, j'aime pas les privilèges. En même temps, moi, je le suis de temps en temps, parce que je fais telle ou telle chose qui n'est pas environnementalement orthodoxe. Ou mon oncle, je sais qu'il va faire ça, prendre l'avion 5 fois par an, et ça va m'énerver, mais en même temps, moi, je le suis un peu, donc il y a un mot pour dire ça. Et cette tendresse et ce lien développé, pour moi, c'est quelque chose de clé dans la façon dont on va mettre en œuvre la transition et qui est assez peu abordé parce qu'il n'est pas monétisable, impactable, tu vois. Est-ce que depuis 2 ans que le bureau des mots existe, il y a des mots qui sont vraiment entrés dans ton langage ? Est-ce qu'il y en a que tu utilises régulièrement ? Je ne dis pas tous les jours, bien sûr, mais est-ce qu'il y en a maintenant qui sont dans ton bagage de vocabulaire ? Oui, il y en a plein qui sont dans mon bagage de vocabulaire et surtout dans les conversations ou dans des situations que je vis. Très souvent, quelqu'un me raconte quelque chose et je dis « Ah oui, non, mais ça, c'est ça, ça, c'est un mot. Ça, c'est encoufardé ce que tu vis, par exemple. » Encoufardé, c'est quand, à la fin de, par exemple, vous avez donné une conférence ou vous avez animé un atelier de fresques ou de 2030 glorieuses, et à la fin, les gens vous disent « Ah bah c'est super ce que vous faites, bravo, merci, vraiment merci, c'est super, au revoir, bonne soirée. » Et là, on se sent pas très bien en fait. La personne a dit quelque chose de supposément gentil, mais on se sent avec un poids en plus sur les épaules. Et en fait, ce poids, c'est lié à l'impression que la personne vous dit « c'est bien, mais par contre, je te laisse tout seul. Moi, il y a une barrière entre toi et moi, je vais pas aller t'aider, je vais pas m'impliquer, c'est toi qui fais ça. Donc, bravo de faire ça. » Tout comme on dit aux générations futures, « oui, mais c'est les générations futures qui vont faire ça. » Et bravo, heureusement qu'elles sont là, c'est merveilleux de voir tellement de jeunes qui sont engagés. Parce que moi, c'est pas mon problème. Donc ça, c'est encoufardé. Et donc, typiquement, celui-là, souvent, je l'utilise. L'humilité, évidemment, je l'utilise. La toujourologie, c'est aussi un mot que j'utilise. La toujourologie. Attends, c'est quoi ? Ouais, vas-y, dis ce que c'est la toujourologie. C'est quand on fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça. Donc, on utilise des souffleurs à feuilles à l'automne pour enlever les feuilles mortes des places qui sont alimenté avec de l'essence ou du diesel ou que sais-je, et alors qu'on pourrait faire autrement. Mais on a toujours fait comme ça, ça marche, donc on va faire comme ça. Ça, c'est la toujourologie. Celui-là, j'utilise souvent. Lequel j'utilise souvent ? J'utilise souvent le permadoute. Le permadoute, c'est cette période où on est... c'est représenté par un signe de l'infini. Donc, il y a un côté où on est en doute et on n'est pas content et c'est dur et j'en ai marre et voilà. Et un côté où on arrive au centre du signe de l'infini, où là, ça va bien, je suis entre deux espaces, je me sens bien. Et celui d'après, où on agit avec plus de joie et d'entrain. J'utilise aussi souvent tsunami chillé. Tsunami chillé, il s'agit de, on voit le tsunami qui arrive et on décide d'aller chiller. On sait qu'il est là, oui, il est là. Mais là, tout de suite, je peux encore chiller un peu. Et puis tout de suite, je n'ai pas forcément le courage de m'y coller. Alors, je vais tsunami chillé. Voilà, par exemple, pour t'en donner quelques-uns. Et le fémidoute, évidemment, je l'utilise beaucoup. Le fémidoute, comme son nom l'indique, vient de femme féminin et de doute. Et le fémidoute, il s'agit de l'habitude presque systématique de mettre en doute la parole des femmes quand elles partagent des récits de violences sexuelles ou d'agressions. Et donc ça, en fait, je l'observe, le fémidoute. Il existe. Ouais, hier encore, je chaussais mes Cosmi baskets, tu vois, et en fait, je me rends compte qu'on pourrait presque l'utiliser un peu à tous les ustensiles de sport, parce que ça fait des années maintenant que et ça, c'est votre définition, dans un contexte d'angoisse et de vertige quant à l'avenir de la vie sur Terre, c'est les chaussures qu'on enfile pour aller courir, pour sentir la puissance de son corps et son lien avec le cosmos. C'est une porte d'entrée pour exercer un rituel en tout lieu. Et ça, vraiment, de le voir en mots, j'ai trouvé ça, mais tellement, en fait, épatant d'évidence. Tu sais, ce genre de choses où tu dis, mais bien sûr. Je trouve que c'est ça les plus difficiles à faire émerger, c'est de savoir ce côté-là de, bien sûr. En fait, j'aurais pu le faire. Souvent, on m'a dit ça pour mes bouquins. Quand j'ai lu ton livre, ça, c'est souvent le plus, je trouve vraiment que c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. C'est quand les gens, ils viennent vers moi en me disant, mais j'ai lu ton livre et je me suis dit, mais en fait, c'est moi qui l'écrivais, ce livre. J'aurais pu le faire. Je trouve ça génial parce que tu touches à une sorte d'évidence et une sorte de trucs universels qui nous relient tous et c'est fort. Oui, c'est quelque chose qui est partagé, en fait. Ouais, on ne se rend pas compte qu'il est partagé. Comment tu nous conseilles, toi qui as pris ce temps-là de créer cet espace de possible sans avoir, et tu le dis bien, l'obligation de la création du mot? Quel conseil tu peux nous partager? Est-ce qu'il y a peut-être, plutôt que des choses à faire, des choses à ne pas faire, pour les personnes qui, comme moi, essayent de créer des bulles d'utopie, des lieux, des espaces-temps pendant lesquels, et en général c'est quand même assez court, ça dure que 2 heures, on peut essayer de recréer un lien de désirabilité avec l'avenir. On a envie de mesurer les succès à de l'efficacité, à du palpable, on a envie de se dire que les gens, à la fin, ils vont venir nous complimenter en nous disant c'est génial et de les voir changer, on a envie d'avoir de l'impact, même, tu vois, sur cette question des 2030 glorieuses, et à la fois j'ai l'impression, et ça c'est de mon expérience à moi, que plus on se met la pression et moins on y arrive. Est-ce que toi, tu as un peu ce côté justement d'avoir réussi à te lâcher un peu la grappe et quels conseils tu pourrais nous partager issus de ton expérience pour faire mieux voyager les gens, pour leur faire vraiment aller chercher ce qu'il y a de plus profond en eux sur ces questions d'utopie, de nouveaux mots, etc. Pas facile. Écoute, pour moi, nous, ce qu'on a choisi de porter avec le Bureau des mots, c'est de dire, est-ce que ce qu'on fait est beau? Est-ce qu'on a l'impression que c'est beau? Et si on a l'impression que c'est beau, on continue. Et si on a l'impression que c'est pas beau, c'est-à-dire il y a des publics que je veux pas forcément aller interroger parce qu'ils vont réutiliser leur création. Dans un sens qui n'est pas forcément fertile pour nous, ben on ne trouve pas ça beau et donc on n'y va pas. Donc pour moi, il y a quand même ce petit screen de la beauté. Est-ce que je trouve que ce que je fais, c'est beau? Est-ce que c'est beau? Est-ce que ça crée du lien? Est-ce que ça crée quelque chose pour les gens? Voilà, ça pour moi, c'est un premier critère qui est important et pour énormément d'actions. Est-ce que c'est beau? Est-ce que le dîner que je vais faire, il est beau? Ben ouais, il est beau. Ok, alors j'y vais. Est-ce qu'il va pas être beau? Ben, du coup, je vais pas faire de dîner. Donc, ensuite, un autre critère, c'est celui que tu citais tout à l'heure, pour moi, c'est se lâcher la grappe, comme tu as dit, sur aboutir à un objectif précis. En fait, moi, je crois beaucoup que le process, ce que les personnes vivent dans le process, c'est ça l'objectif. Tu vois, le chemin est l'objectif, quoi. Donc, si je me dis pour un atelier 2030 glorieux, j'aimerais qu'ils aient tous vécu ça à la fin et je veux le matérialiser sous telle forme et pouvoir le compter, là, j'ai l'impression que ça risque déjà de dénaturer l'atelier parce que mon cerveau et ma créativité, elle va être orientée sur obtenir ça, plutôt que d'être en maxi écoute sur ce qui va se passer là. Et donc ça, c'est mon autre conseil, c'est la maxi écoute, c'est-à-dire une disposition qui est presque un état modifié, allons-y, où je me mets dans une posture de je ressens qu'est-ce que les personnes qui sont présentes dans la salle, qu'est-ce qui va être possible de vivre pour elles, et je les amène le plus loin possible de ce qui va être possible de vivre pour elles. Donc, s'il y a des grandes différences de niveau d'imaginaire avec des gens où vous sentez qu'il n'y a pas un accès facile à l'imaginaire, et ben on va se donner du mal pour les nourrir eux avec des exemples, avec des idées. Et s'il y a un atelier où il y en a tous qui sont déjà perchés, on va les laisser aller beaucoup plus loin en sachant qu'ils sont déjà perchés. Donc pour moi, il y a cette troisième chose d'honorer le chemin. Et c'est déjà pas mal. Moi, quand je te vois parler de tous ces nouveaux mots et du processus et de ce que tu as vécu et de ce que tu es en train de vivre avec la sortie de ton livre, je touche quand même du doigt un peu, d'une certaine manière, ton âme d'enfant. J'ai l'impression que tu as réussi à faire en sorte que ton activité professionnelle, on parle de quelque chose de cadré quand même, sérieux, normalement, pragmatique, la source de revenus qui fait que toute notre vie, on doit aller étudier, patati patata, bah qu'en fait, ça soit un jeu, ça soit un plaisir et que tu ailles tous les matins ou pas, en l'occurrence, sans doute, ces bureaux des mots, ça se faisait pas tous les matins, mais avec de la gourmandise, avec de la joie, avec du plaisir, comme un enfant qui, le matin, irait jouer avec ses copains. Comment tu expliques ça? Est-ce que je me trompe? Est-ce que j'interprète mal? Et si c'est bien le cas, comment tu as réussi à faire ça et pourquoi c'est aussi important pour toi? C'est important pour moi parce que moi j'aime beaucoup, j'aime bien m'amuser, j'aime la joie, j'aime rire, et particulièrement dans des conditions difficiles en fait. À une époque, j'ai travaillé au Cambodge dans une ONG où on travaillait avec des jeunes sur une décharge. Donc, c'était très difficile émotionnellement. Mais à côté, j'ai ri tellement parce qu'on avait besoin, en fait, de créer cette dynamique à côté où il y a, ben, on peut rire, on peut s'amuser, on peut créer des choses, même dans des conditions extrêmement difficiles. Donc, pour moi, c'est important, ça. Et ça ne veut pas dire que je ne fais que des bureaux démo toute ma vie. Ça veut dire qu'il y a aussi des moments où je vais devoir gagner de l'argent et donc je vais faciliter un atelier sur la transition écologique. Mais il y a une personne que j'aime bien dans cet atelier et donc je vais me raccrocher à elle et jouer avec elle et trouver quelque chose qui me donne de la joie là-dedans. Et puis, ça me donne de la joie de faire un atelier où je me dis, bah, là, je vais gagner des sous et ça va être super et ça va me laisser du temps pour aller faire autre chose qui n'est pas rémunérateur. Donc, en fait, pour moi, la joie, c'est un moteur d'action, mais dans n'importe quel contexte. On peut être dans n'importe quel métier et aller chercher les choses qui sont intéressantes et qui dans lesquelles on va pouvoir créer aussi. Moi, je la lis beaucoup, la joie, à la création. Il y a quelque chose, quand on est enfant, qui est très naturel de la création. On joue à quelque chose et puis après, on a une autre idée, on chante un bout de chanson. Et donc, en fait, cette espèce de d'état-là, moi je le trouve clé et encore plus clé aujourd'hui où moi j'ai fait une école de commerce, moi j'ai fait une prépa, moi j'ai été consultante bien carrée pendant 5 ans, j'ai été dans une institution pendant 10 ans, donc je sais faire toutes ces choses carrées et telles qu'elles sont attendues, mais pour moi il y a toujours des pas de côté possibles même dans ces mondes là Et donc, j'ai fait tous les pas de côté que je pouvais dans ces mondes-là pour créer des espaces différents. Et il y a vraiment quelque chose de créer les espaces où on peut vivre avec cette joie-là. Tout en se disant, ben, il y a des espaces que je ne vais pas pouvoir changer parce qu'ils sont comme ça. Mais est-ce qu'il y a de la joie pour moi que je peux trouver là-dedans? Est-ce qu'il y a de la création? Et le chemin qui m'a amené à faire cette activité bizarre avec 3 volets différents, c'est ce chemin-là de dire, ben, j'ai créé tout ce que je pouvais dans ces espaces-là. Maintenant, je vais essayer encore autre chose. Donc, il y a quand même quelque chose de la prise de risque que je m'autorise avec le grand âge. Mais tu utilises le mot joie, j'arrive pas à mettre le doigt sur le terme que j'ai vraiment envie d'utiliser pour ça, mais je trouve qu'il y a effectivement cette joie, il y a le fait de s'autoriser à saisir l'impromptu du moment, à aller avec la vague, à suivre son instinct, à jouer effectivement dans ce côté très enfantin, très presque coquin, tu vois, de ce que tu proposes avec les mots, j'ai l'impression que ça dit quelque chose à la fois de notre puissance, de notre légèreté. Et moi aussi, j'aime bien utiliser cette énergie là où on pourrait se dire, en fait, tout ce qu'on doit faire, c'est hyper sérieux. Les thèmes avec lesquels on traite, c'est hyper sérieux. En réalité, on se laisse pas du tout enfermer par ce pragmatisme, ce côté strict, ce cadre froid, et que c'est en utilisant, j'arrive pas à trouver le bon terme, je sais pas comment le dire, tous les mots que je viens d'utiliser là, mais c'est en utilisant ça, au contraire, cette énergie du jeu, presque un truc un peu loufoque, tu vois, qu'on pourra au contraire se révéler à nous-mêmes et se mettre enfin à la hauteur des enjeux. Tu le fais de manière stratégique ou tu le fais parce que tu n'as pas d'autre choix? Pour moi, c'est aussi quelque chose de... tu connais les Internal Family Systems, IFS? Non. C'est une théorie qui explique les différents rôles qu'on prend par rapport au contexte existant. Et donc, il y a un rôle qui est celui un peu de l'enfant rebelle. Je le dis sûrement pas exactement avec le terme parfait consacré, mais c'est ça l'idée. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a des contextes où ce rôle-là est nécessaire. Donc, si je suis dans un endroit où il n'y a pas cette place-là, eh ben, je vais aller dans cette place parce qu'il me semble que cette énergie est nécessaire. Et je trouve que la période dans laquelle on vit et les systèmes et leur organisation ont quelque chose de très sérieux et de très pour réussir, il faut cocher certaines cases, c'est la réussite personnelle, c'est tout ça. Et en fait, moi, je me sens à l'aise quand je peux ne pas rentrer dans ces critères-là. Et j'ai l'impression que c'est comme un parallèle avec la transition écologique qu'on vit, en fait. Soit on reste dans ce système et on continue à essayer de coller des sparadraps sur des énormes fuites d'eau d'un barrage, et donc là, on reste et on fait toujours la même chose et on essaye. Soit on se dit, bon, bah, ça n'a pas l'air de marcher. Est-ce qu'on va carrément creuser la rivière de l'autre côté et on va éviter le barrage et puis on verra bien ce qui se passe. Et donc, c'est une énergie dont j'ai l'impression qu'à certains moments, à certains endroits, elle est nécessaire. Et ce que dit cette théorie de Internal Family Systems, c'est aussi qu'il y a d'autres endroits où cette énergie n'est pas nécessaire. Donc, je ne vais pas l'appliquer, je ne vais pas faire n'importe quoi, toujours l'enfant coquin. Mais par exemple, par rapport à un sujet comme celui du langage, où on va me parler on va me bassiner avec des mots qui vont être dénaturés, on va me parler de réarmement démographique, par exemple. Et donc, bah là, je vais réagir et je vais dire, attendez, ça, vous pouvez pas me parler de ça. Et là, je vais faire intervenir cette autre posture qui est la posture de nous sommes nombreux, nous créons ensemble, beaucoup d'autres vies existent, beaucoup d'autres vies, écoutons-les, basons-nous sur les réalités de ce qui remonte de chacun, et quitte à faire des milliards de scénarios différents, des milliards de mots différents qui vont être des outils pour dire ce système-là ne marche pas. Est-ce que, Jeanne, c'est ma dernière question pour toi, ensuite on voit si Sébastien il a envie de rajouter ses questions et ses témoignages, parce qu'il a plein de choses aussi à nous raconter, Sébastien, et je pense que ça lui parle énormément ce que tu nous as partagé pendant près de 45 minutes. Est-ce qu'il y a des mots que tu veux un peu nous léguer pour nous, guides de voyage en 2030 glorieuse? Est-ce que tu veux nous donner la responsabilité de porter certains mots qui soit sont très importants pour toi, soit tu trouves être assez aligné avec la mission de recréer un lien de désirabilité avec l'avenir. On essaie de voilà ce qu'on essaie de faire avec les 2030 glorieuses. C'est hyper important ce que tu vas dire, hein, parce que derrière, c'est des centaines de personnes qui vont utiliser le mot, et dans quelques années, quelqu'un qui va utiliser un mot que tu connaîtras ni d'Ève ni d'Adam, que tu croiseras dans la rue, et ce sera exactement celui-là qu'il y aura dans ton dictionnaire, et il va te revenir comme un boomerang, et là, tu te diras, waouh, ça y est, il a fait le tour de la France, ce mot, il m'est revenu. Écoute, moi, j'aimerais bien vous donner déjà « s'occidenter ». « S'occidenter », c'est un mot qui a été créé par Olivier Dubuquois, un activiste de la région sud qui a beaucoup travaillé sur les bouts rouges. Et il m'a créé ce mot « s'occidenter », ça veut dire donc s'orienter, vous connaissez, où on s'oriente dans une forêt avec une carte et des boussoles et des directions. Et s'occidenter, c'est faire le choix de se perdre pour voir ce qui va se passer et pour justement se retrouver. Donc celui-là, je vous le lègue pour que dans les 2030 glorieuses, vous pouvez, dans ces ateliers, vous puissiez inviter les gens à s'occidenter. J'ai l'impression que votre format est suffisamment rassurant pour permettre l'occidentation. Un autre mot, c'est évidemment l'humilité que je vous proposerai. C'est lutter avec la lumière. Donc c'est lutter. Et l'idée, c'est de se dire, on est au courant de tous les fonctionnements du système, on est au courant des difficultés, on est au courant des chiffres catastrophiques, mais on choisit d'aller agir et d'avoir de l'espoir radical sur les brèches qu'on ne connaît pas encore. Et l'imaginaire en est une. Donc celui-là, je vous le donnerai bien aussi. Auquel autre je pense ? Ne nous mets pas trop de pression, un petit dernier peut-être. Allez. Si tu veux bien. Je vous en mets un dernier qui est double. J'ai l'impression que dans les imaginaires qui ressortent dans les ateliers, il y a quelque chose de « moi changé » quand les gens se projettent, où ils se disent « voilà, moi, je serai comme ça dans tel endroit ». Et l'endroit où je serai, il y aura un peu de la nature là, je serai dans une rue, mais il y aura des arbres, il y aura voilà, des plantes et d'un potager où je pourrais cueillir une tomate en bas de ma maison, etc. Donc, je voudrais vous donner organiquer, qui vient de organiser et de organique, et qui peut être entendu différemment selon comment on le prononce. Et organiquer, ça veut dire redonner à l'organique sa puissance de création, en laissant les espaces reprendre le dessus comme eux y veulent. Donc, ça veut dire casser la planification antérieure à laquelle on était habitué. Ça veut dire prendre son marteau-piqueur et faire un espace à un endroit et voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des plantes qui viennent? Et on va les laisser, on va organiquer. Et c'est aussi un verbe pronominal, s'organiquer, où là, on applique à soi-même. S'organiquer, il s'agit de se dire, eh ben, je quitte l'organisation de ma vie où tout est fait pour un objectif qui est externe à la vie, et tout ce qui est dans ma vie régi par un objectif externe à la vie elle-même, je le retravaille et je laisse la place à l'organique. Merci Jeanne, c'était trop bien cet échange avec toi, merci mille fois. Est-ce que Sébastien, tu as une question ou plusieurs même pour nous, ou est-ce que j'ai le droit de reposer plein d'autres questions? J'en ai plein, on va essayer de se donner encore 15 minutes si tu nous les autorises Jeanne. Seb, à toi. Seb, j'ai vu que tu as désactivé ton micro, mais on ne t'entend pas. Jeanne, il me semble qu'on n'entend pas, on est d'accord. Hein. Alors, le temps que tu arrives à résoudre tes problèmes techniques, moi j'ai une question pour toi qui est un peu plus pragmatique, mais tu peux nous faire une suite dès demain, on est d'accord, non? Tu peux repartir, faire le tour du bureau démo et arriver avec encore au moins le double là, non? Oui, surtout qu'il y a des mots qui sont, on ne les a pas tous mis, on a mis une sélection. Et il y en a qui sont encore en création. Et cette année, on voudrait creuser différents thèmes, notamment en rencontrant des personnes qui sont proches de la terre, soit des agriculteurs qui travaillent la terre, soit des personnes qui ont un rapport physique avec la terre pour voir qu'est-ce qu'ils vivent eux. Donc il y a des déclinaisons possibles futures. Ah ouais, chouette. En fait, tu as raison, on peut le faire par thématique. On peut le faire comme ça, on peut le faire avec des personnes de l'interculturel, on peut le faire avec tellement de personnes, bien sûr. Génial. Seb, tu as changé de moyen technique, j'ai l'impression. Essaye. On t'entendait tout à l'heure, Seb, mais ça ne marche plus du tout. Si tu veux là, lui laisser un... Ah ouais, ça y est. Vas-y. Là, ça marche. Bon, bah, très bien. Très bien. Non... Ça marchait. On t'a reperdu, Seb. On t'a reperdu. Est-ce que tu pourras, tiens, le temps que Seb réussisse à se reconnecter, à résoudre ses problèmes de connexion, est-ce que tu pourras, Jeanne, s'il te plaît, nous communiquer les dates de tes prochaines rencontres? J'imagine que tu vas faire d'autres rencontres pour porter ton livre et je suis sûr qu'il y a plein de nos guides en demi-tronc qui seraient ravis de se joindre à toi. Carrément, je vais vous les envoyer. Vous avez un petit calendrier en ligne avec la mer Salée, il y a quelque chose? Oui, il y a des choses sur le site de la mer Salée. Et puis la prochaine, c'est en avril où on va faire une soirée épopée à l'Institut des Futurs Souhaitables. Trop bien. Voilà. Et après, il y aura des bureaux aussi, des bureaux des mots. Ah, Sébastien, est-ce qu'on t'entend? Je sais Mais... pas. Oui. Bon, très bien. Désolé, j'ai abîmé le live. Ok. Non, ça marche mal. Laisse-nous une question ou deux dans le chat si tu veux, Seb, je les relirai. Ok, je vais faire ça. Je suis désolé de la technique qui bug là. Pas de souci. Tu peux tenter d'en dire une, là, on t'entend. Allez. Non, vous me faites un pouce si ça ne marche pas, mais vraiment te dire merci. Moi, ça me remue beaucoup ces échanges. J'aurais voulu que Marshall Rosenberg soit là, qui a beaucoup écrit sur la communication non violente, et ça me rappelle à quel point moi, je n'ai pas l'impression de vivre de crise aujourd'hui, en tout cas pas de crise environnementale, mais surtout une crise de la sensibilité et de la capacité à mettre des mots et à entrer en empathie avec la science et les informations scientifiques. Et donc c'est vraiment ce qui vient me frapper au visage avec tout ce que tu viens de nous partager. J'ai pas tant de questions, mais j'avais vraiment envie de te partager ça. Si on prend après une information violente, scientifique, le temps d'essayer d'entrer en empathie par les mots, Alors on l'intègre émotionnellement et alors elle peut nous permettre d'en faire quelque chose. Et je pense que c'est ce qui nous manque aujourd'hui, crise de temporalité, crise de sensibilité. Merci beaucoup pour ça, Julie. Merci, c'est Sébastien. Et toi, Sam, tu es le spécialiste de t'occidenté. Je te vois souvent aller à dessein, à te perdre dans des endroits où tu sais que tu vas te retrouver, non? Exactement, ouais, exactement. Bah, retrouver une autre temporalité, une autre sensibilité. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument que cela pour se sentir bien. Et donc, c'est pas forcément normal de devoir avoir ces sas. je crois. Je garde la connexion entre vous deux quand même pendant 2 secondes parce que Sébastien, il a toute une expérience, il a fait des choses extraordinaires pour transformer Decathlon, une association de collecte des déchets dans le sud de la France, et maintenant il accompagne des entreprises à questionner leur modèle de croissance. Comment on fait, Jeanne, pour aider les entreprises à justement délaisser certains mots et toute la posture qui va avec de cette croissance infinie, de l'innovation, du progrès? Est-ce que toi, tu as des conseils de mots qu'il faudrait pour les entreprises, mais aussi des mots qu'il faudrait abandonner une bonne fois pour toutes? Qu'est-ce qu'il pourrait aller dire, Sébastien, pour la prochaine personne qui lui dira « bah oui, mais moi, comment je fais avec ma croissance ?» Moi, la première chose auquel je pense, mais ça ne va peut-être pas être dans les réponses que tu attends, c'est accepter l'inconfort. Moi, j'accompagne des dirigeants dans le cadre de la Convention des entreprises pour le climat. Et je vois que pour les accompagnants, c'est difficile de proposer aux dirigeants de vivre un inconfort. Alors que pour moi, c'est clé comme expérience. Parce que quand on accompagne, on voudrait que le client soit content, qu'il vive quelque chose de beau, qu'il ait envie de revenir, que ce soit des paillettes, ce qu'on lui propose, et qu'il ait envie, quoi. Et en fait, quand on fait ça, on va le garder dans une petite ouate qui va freiner sa transformation. Et donc, moi, j'aime bien pousser ces zones d'inconfort tout en les tempérant avec ce que vous avez vu tout à l'heure de joie, création, relations fortes et honnêtes où on se dit, bon, ben voilà, on est là, quoi. Et j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui est plutôt un conseil pour nous, accompagnants d'entreprises qui veulent se transformer. Donc, ce serait au-delà des mots, c'est de la posture de « est-ce que c'est possible pour moi de lâcher ma posture de dirigeant qui sait tout ?» qui maîtrise et voilà, de dire ok, on est dans une situation compliquée, moi je sais ce que je sais et je vais toujours vous accompagner, vous les gens de ma boîte, mais il y a des choses qu'on ne sait pas et on va y bosser ensemble. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose, et sur le langage, ça commence au langage qu'il y a dans le boardroom. Comment ça se fait que quand on rentre dans le conseil d'administration ou dans le comité de direction, on peut avoir à la machine à café une conversation hyper joyeuse ou spontanée, naturelle avec les dirigeants. Et au moment où on rentre dans la salle de CODIR, tout le monde remet sa façade de dirigeant et commence à utiliser toujours le même langage et à ne pas s'autoriser des perspectives un peu honnêtes, quoi. Ou des perspectives où j'écoute l'autre, ou des perspectives où je crée, où j'imagine. Donc, pour moi, il y a il y a les mots qu'ils vont utiliser, mais il y a aussi la posture et le costume qu'ils vont mettre. Et j'ai même vu des situations où il y a des étudiants qui arrivent dans des CODIR pour mettre des nouvelles idées, un peu de rébellion, et entendre la voix des jeunes, ce qui est génial. Et les étudiants, quand ils franchissent cette porte, ils reprennent le costume, ils reprennent le langage. Et alors là, c'est zéro partout. On n'a pas du tout atteint ce qu'on voulait atteindre. Tu vis ça aussi, toi? Je le vis beaucoup, d'autant plus que je ne suis pas consultant, je suis facilitateur au service du changement de modèle économique. Donc, on va poser des questions auxquelles on n'a pas de réponse et des questions qu'on ne s'est jamais posées. Et globalement, souvent, le niveau de maturité d'une organisation ou d'un dirigeant, quand il vient de chercher, c'est de faire quelque chose qu'il a déjà pensé et pour lequel il n'a pas le temps de le faire. Donc, ça génère énormément d'inconfort. Et effectivement, je retiens ce conseil que tu donnes. L'acceptation de l'inconfort, elle est clé pour le changement. La recherche même de l'inconfort. Et j'ai l'impression qu'il y a un nouveau mot, parce que c'est la recherche de l'inconfort avec presque de manière stratégique pour amener les gens à se poser des questions, bouger, se déplacer, apporter quelque chose de différent. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait faire. On a même, peut-être que je vais vous apprendre un mot, mais on a un maître questionnologue qui nous apprend la questionnologie, et donc c'est l'art de poser les bonnes questions, et donc on arrive à très vite à mettre dans l'inconfort avec des questions très ouvertes sur la compréhension de ce qui se passe dans l'entreprise. Mais l'acceptation de l'inconfort, elle est difficile, et tu peux perdre énormément de clients, et c'est ok, tant mieux, comme ça on perd pas de temps. Parce qu'il faut un filtre, ouais. Et c'est un filtre incroyable, il faut un niveau de maturité pour accepter d'aller faire des prototypages et des expérimentations autour de nouveaux modèles économiques, avec un mode pionnier quand même assez activé dans une société qui est encore basée sur le volumique. Donc l'acceptation de l'inconfort, je crois qu'elle est clé. Merci Jeanne, c'est tout à fait ça. Et après, moi, j'ai l'impression que pour contrebalancer cet inconfort la potentielle perte de clients qui peut entraîner, il y a le côté de la communauté qui est, tu vois, si tu as une communauté de dirigeants et qu'ils sont ensemble et qu'ils sont plusieurs dans l'inconfort, mais que quand même, à côté, il y a des choses tellement intéressantes qui se passent dans ce qu'ils vivent entre eux, dans le lien, dans ce qu'ils découvrent comme nouveau sujet. Donc, c'est à la fois bouleversant, inconfortable, mais en même temps, on est toute une bande. Et le fait d'avoir ce lien dans lequel il se passe aussi des choses très nourrissantes, tant d'un point de vue intellectuel que d'un point de vue de la relation, j'ai l'impression que ça va contrebalancer et que du coup, ça permet de les garder dans la démarche un certain temps, le temps long que nécessaire cette transformation. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une prochaine édition du livre justement sur des mots pour poser une nouvelle question, Jeanne ? Parce que j'ai l'impression que cette version-là, c'est beaucoup pour mettre des nouvelles cases, pour classer, pour ressentir, pour juger, pour peut-être même rendre visibles des choses qui étaient invisibles. J'ai l'impression que là, dans ce que nous dit Sébastien de la questiologie, peut-être que quelque chose qui viendrait... questionner, susciter, évoquer, ça mérite aussi des nouveaux mots qu'on n'a peut-être pas encore. Tu voudrais dire des mots qui vont poser des questions ou des questions ? Ouais. Non, des mots qui vont poser des questions. J'ai l'impression que là, il y a beaucoup de mots pour des réponses, mais il n'y a pas beaucoup de mots pour des questions. Parce que dans la forme qu'on a choisie, on propose aux gens de raconter un vécu. Là, il faudrait proposer de raconter un doute, mais si tu veux, pour moi, ce qui est très important, c'est que ça parte de la personne. Et donc, quand on va aller essayer de formuler une question, moi, si tu me donnes, il y a un exercice merveilleux de connexion à la nature où on te dit, va regarder quelque chose, cherche un élément de la nature autour de toi, n'importe quoi, un arbre, un caillou, une fleur, et pose-toi 10 questions sur lui. Va chercher 10 questions. Et donc là, tu vas chercher 10 questions et déjà, tu es en lien avec cet élément est hyper différent parce que tu as ouvert des champs. Est-ce que pourquoi certaines feuilles de l'arbre sont ouvertes et pas d'autres? Comment il fait pour jusqu'où vont ses racines? Quel agit là? Enfin bref, tu vois. Et du coup, questionner, super. Après, si pour aboutir aux bonnes questions, moi, mon frein, c'est toujours que il est facile de replonger dans la théorie et dans la discussion et le débat, et on appelle ça la culpichifrade. Tu vois, la culpichifrade, on te dit, ah, mais il y a 40% de personnes qui ont déjà une voiture électrique, donc le CO2 a baissé de 20%, sachant que la France est par rapport à la Chine. Enfin bref, tu es dans une culpichifrade, et donc là, tu es tétanisé, tu fais plus rien, tu es là, bon, bah, je veux manger du bœuf, on s'en fout. Donc, en fait, quand tu replonges dans la théorie, il y a ce risque-là. Donc, les questions, oui, mais qui partent des vécus. Des ouais. Pour plus de vérité, plus que pour plus de doute. Ouais. Sébastien ? Non, ça me parle. Il faudrait presque inventer des mots sur l'art de poser les questions ouvertes dans une époque où on a beaucoup de questions fermées qui viennent simplement conforter une réalité, une propre réalité. Et même quand on passe du temps avec des organisations ou des dirigeants, on a tendance à poser des questions pour se rassurer soi-même sur la compréhension d'un problème. Alors que la capacité à poser des questions ouvertes et sans filtre, elle peut permettre effectivement de ne pas tourner en rond et de pas... j'ai pas retenu le dernier mot, Jeanne, il était compliqué, mais... Culpichifrade. Culpichifré, voilà. De ne pas culpichifrader. Mais oui, c'est à la fois une vraie découverte et une vraie clé de transition pour moi, l'art de poser les bonnes questions. Super. Eh ben, merci Sébastien, merci Jeanne. Ma dernière question pour toi, Jeanne, pour que tu nous laisses sur la recherche de plein d'autres nouveaux mots, c'est qu'est-ce qui te fera sentir que tu as gagné avec ce que tu fais là, avec les mots qu'il faut, les rencontres en librairie, les prochains exercices, je sais pas, est-ce que il y a une manière de célébrer ce qui est en train de se passer qui compte pour toi, qui est importante, que tu attends avec impatience? Alors, moi, je raisonne pas trop en termes gagner et perdre. mais je raisonne en termes de où est la beauté, qu'est-ce que j'ai envie d'honorer. Moi, c'est ces créations et ces performances qui ont été clés pour moi. Et je découvre qu'il y a un autre monde qui se passe à la lecture de ces mots. C'est-à-dire ce qui se passe pour les gens quand ils lisent ces mots. Donc, là où j'aurais honoré cette création, pour moi, ce serait les gens lisent, voient ces mots et que quand ils lisent ces mots, il se passe quelque chose pour eux. Ça crée quelque chose. Peut-être ils ressentent une tendresse pour ce que veulent vivre d'autres personnes. Peut-être ils ont un côté combatif qui se réveille. Peut-être ils ont envie de prendre la parole. Et si je te dois te donner juste un exemple, j'ai des milliers de kiffs que je prévois et que j'ai envie de vivre. Entendre ces mots dans la bouche de différentes personnes. Entendre une personne interrompre une conférence où on raconte... où on détourne des mots, hein, où on fait quelque chose de utiliser des mots pour dire des choses creuses derrière ou qui veulent rien dire, avoir quelqu'un qui lève la main et qui dit non, c'est pas ça, c'est ça le mot qu'il faut dire. Ça, ce serait un bon kiff. Merci Jeanne. Merci Seb. Je vous souhaite une bonne soirée à tous les deux. Merci Julien, merci Seb, bonne à bientôt. Très, très vite Jeanne, merci encore. Ça marche, ciao. Bonne soirée à tous.